cendre, j'avance. Les dunes brûlent, mais je reste. Vos noms sont gravés dans la poussière. Mon stream, c'est la prière du geste. Le sable murmure en rythme. Chaque pixel est un rite. Raiders Kill n'est pas un homme, c'est l'écho d'une foi intime. T'as ruiné ce qu'on affirme à vous. Raiders Kill, penchant pour cas. Où le chef d'Alria on a marré. Shankar Raiders Kill, nos vestes, nos morts. Raiders Kill unit les terres vides, le stream devient un monde solide. Je ne cherche pas la victoire, je cherche à ce que vous restiez. Vous qui riez, tapez, observez, vous êtes l'âme de ma mémoire. Entre deux dunes, je vous entends, même dans l'absence, vous êtes présent. Le désert s'ouvre pour les croyants, et je marche caméra dans le vent.